Classé dans les classiques. Classé dans les classiques. Classé dans les classiques. Classé dans les classiques. Classé dans les classiques. Classé dans les classiques. Classé dans les classiques. Classé dans les classiques. Mon délire c'est d'être en avance. La mode je m'en balance, je viens du clan du futur. On en oublie pour la structure. Écoute ça si ça te branche. Et ça se danse. T'inquiète, tu la cadence et bouge ta tête. De Paris à Marseille, on fout le feu. Si tu veux, je mets l'accent. Je donne ça au feeling pour faire vibrer ton système auditif. Mais toujours guerroyant pour que nos croyants nous glorifient. Je suis positif, mais prêt à me battre pour un rêve. À régner sur le rap tout un siècle sans donner mon cul pour bien faire. L'ubisane, l'énigmatique, le charismatique. J'ai la rime magique, ça laisse les rivaux quasi statiques. Y'a mon gars qui rapplique, j'ai belle pour les lascars qui savent lire. Q-R-O-A-N-O, N-U-B-I. Les gars qui tchatchent vite, on prend ce mal de plus. Rap de qualité supérieure, les lascars de luxe. Tous trois sortis d'une ère ultérieure, les vrais rimeurs. Mais jusque dans leur fort intérieur, les gars qui donnent le maximum, mais rien d'inférieur. On est les F-U-T-U-R-I-S-T-I-C, dangereux lyriciste. MC hors la loi, hip-hop illicite. F-U-T-U-R-I-S-T-I-C, dangereux, dangereux. MC hip-hop illicite. F-U-T-U-R-I-S-T-I-C, dangereux lyriciste. MC hors la loi, hip-hop illicite. F-U-T-U-R-I-S-T-I-C, dangereux, dangereux. MC hip-hop illicite. Incontrôlable, les deux lascars dotés du talent d'artiste. Instoppable, tu peux pas stopper les avant-gardistes. Ça part en clash, pire que dans un sound système. C'est dangereux comme l'arabe là dans ton système. Sanguin. Tu risques une overdose quand le duo expose les faits. On explose les têtes, décompose les textes. On cause des pertes et certains se posent des caisses. Si on les maquerelles s'occupent trop de mes jazz. Faut qu'ils apprennent qu'au micro je les baise. F.U.T. heuristique, deux éléments physiques pour une mixture chimique. Le nom à lui seul est explicite. Virus incontrôlable sur les ondes, encore un groupe inconnu. À la conquête du monde, alors augmente le volume. On est authentique, deux MC qui font bouger autant de clics. Les négros sur qui secteur a mis autant de fric. Égocentrique, pas de problème, j'assume. Comme chaque poème qu'on décrit comme l'art moderne de la rue. F.U.T. heuristique, dangereux lyriciste. MC hors la loi, hip-hop illicite. F.U.T. heuristique, dangereux, dangereux. MC hip-hop illicite. F.U.T. heuristique, dangereux lyriciste. MC hors la loi, hip-hop illicite. F.U.T. heuristique, dangereux, dangereux. MC hip-hop illicite. Voilà un nouveau groupe en France, tous en transe. On fait bouger les troupes, j'enclenche, alors appelle les secours. On se la raconte, t'as vu ça? Et t'as pas vu le pire? Je veux faire plus de chiffres que ce que je dois au trésor public. Moi, ennemi incorruptible, même quand l'avenir s'obscurcit. Intestable. Quand le premier dans la main gauche du 10, mais ok, je trise, mais même quand je sors du beat, je contrôle les temps, c'est pourquoi on m'appelle Q-R-O-A-N-O du pige. Affronte le futur, comme une rupture avec le présent. Un besoin pressant d'avancer, en progressant pour devancer le cours du temps. Le crew de mutant, t'as pas vu le flash info? Ceux qui croient ça faut chaque fois qu'ils lâchent un flow, un machin trop violent pour plaire aux Minga. Deux speaks comme un 7-5-0 ninja. On a des vibes en l'eau, tu nous traches dans le dos. Ça c'est facile, même si tu sais que mon phrase est basique, reste classé dans les classiques. F.U.T. heuristique, dangereux lyriciste. MC hors la loi, hip-hop illicite. F.U.T. heuristique, dangereux, dangereux. MC hip-hop illicite. F.U.T. heuristique, dangereux lyriciste. MC hors la loi, hip-hop illicite. F.U.T. heuristique, dangereux, dangereux. MC hip-hop illicite.